à l'époque où il y avait beaucoup d'immigration. Les Écossais, les Anglais, les Français, ils ont connu des temps difficiles et la musique leur permettait d'exprimer leur joie et leur peine. C'est un métissage musical très riche. Comment ça, tu sais ça? Eh bien, je lis Bazar. Disponible gratuitement chez 300 partenaires participants. Pour plus d'infos, bazar.qc.ca. Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif, Terra Incognita évidemment. 2 heures de bonne musique ce soir pour vous. J'ai fouillé un peu dans ma discothèque là, pour sortir des choses qu'on n'avait pas fait jouer depuis longtemps. Je sais pas, pour, tu me sens que ça se prête bien l'été pour ça, là, regarder quelques années en arrière ou un peu moins. Et puis on a quelques nouveautés aussi, dont la première pièce ce soir, une formation italienne qui a pour nom Astro Labio. On écoute un premier extrait, on va en faire probablement jouer un autre, donc au moins un premier extrait, puis on a autre chose aussi de nouveau tout de suite après. Et c'était Incognita, Michel et Bruno ce soir jusqu'à minuit. Ritorno. Ricopre il buio di chi aspetta il giorno. Ritrovarmi così. Appeso ancora al mio ricordo, nel silenzio di quando parlo. lider buttare in guscio la parte migliore di me. Non voglio perdere. E sento che può succedere, ma io no. La notte della mente, il presente si compiace dell'essere fine a se stessa e muore la memoria. Ripudia identità senza storia, ma non ricordo. Nel gioco a riconoscere il vero e il suo contrario, invento sempre un'altra realtà che taglia col passato. Fai pezzi ciò che sono stato, ma io non ricordo. E cado con il fiato corto. Thank you. ritornando qui. Mi guardo intorno, tutto ancora è così. Ma i miei occhi thank you. dolce del mio panno da subuteo e pomeriggi lasciati asciugare sopra bordi di scale. Tu hai l'accento spostato di una giornata di nebbia, solo sorsi d'assaggio, solo morsi bendati. Sono fragile carne, io sono ossa spezzate, io sono colpi di anni, sono colpi di anni sopra lotte malate. Tu hai lo sguardo stracciato di una notte di nuvole, di capelli, osso da stringere. Tu hai le idee malferme della mia metà indecisa, gomitolo di vento per i miei sentimenti sepolti. Thank you. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Salut, c'est Mariem. Du 17 au 27 juillet, je vous invite au Festival des Journées d'Afrique. Québec vibrera au son des rythmes chauds et endiablés à la Place d'Youville, l'Impérial de Québec et le Cercle. Des artistes émergents et de renommée mondiale tels qu'Alpha Blondie, HK Les Saltimbanks, Naila, Shawit, Kumbacha et plusieurs autres. 11 jours de danse, de musique du monde, d'ateliers et d'animations pour toute la famille. Rendez-vous sur festivaljournéedafrique.com pour l'ensemble de la programmation. Au lieu de plaisir, de rencontres et de culture à Québec, le Sacrilège, votre bar de quartier, prépare sa terrasse pour l'été. Au cœur du Faubourg Saint-Jean-Baptiste, cette institution bat au rythme des activités artistiques qui y sont présentées. Venez profiter des nombreux spéciaux offerts tous les jours. Rendez-vous au 447 rue Saint-Jean. Le Sacrilège, fier partenaire de CKRL, félicite la station pour ses nombreuses années de service. Wow! Comment vas-tu? Très bien, toi? Ben oui, ça va très bien, t'as l'air en forme. Demain, dès 15h30, joignez l'équipe de C'est dans le sac au bar Le Sacrilège pour tout savoir du Festival d'été Québec. Pendant longtemps, il a repoussé les limites de ce que pouvait être une chanson ou de ce que pouvait être un artiste populaire au Québec. Il n'y a pas de parcelle de diva à l'intérieur de ce gentleman qui nous offre un spectacle blues rock. If you feel right, say hell yeah! C'est KRL. Voilà de retour. J'avais oublié de mettre mes écouteurs. Bruno se rigole. Bah, OK, on y va. Donc, on va jeter un petit coup d'œil en arrière. Il y avait la pièce instrumentale qu'on a entendue, c'était Il Cerchio d'Oro, Dédalo et Icaro, groupe italien. C'était la pièce La Promessa. Tout juste avant, on est remonté loin. Le Finistère, le premier qui apporte cette Finistère. Et justement, en parlant de Finistère, mais c'était le premier projet de M. Fabio Juventi qui nous a visité en mai dernier dans le cadre de la Convention Terra Incognita. Et puis, c'est un de ses nombreux projets. Et on sait d'ailleurs que vous avez sûrement entendu parler comme quoi que M. Juventi aurait quitté la Maschera di Cera, un de mes projets, moi, enfin, le préféré de Juventi. Et je pense bien que ça sonne le glas parce que M. Juventi étant le principal compositeur et il garde les droits sur le nom, j'ai échangé quelques courriels avec et il m'a dit que pour le moment, il n'y avait plus rien sur comme projet avec la Maschera di Cera, peut-être dans un avenir lointain, mais pour le moment, la Maschera di Cera n'existe plus tout simplement. Et il va peut-être revenir avec d'autres membres, mais pas pour le moment. C'est vraiment, il a complètement écarté ça du décor. Donc, tant pis. C'est dommage, mais je pense que c'était surtout dû aux traditionnelles divergences d'opinion dans le groupe. Et puis, il a préféré mettre un terme, tout simplement. Je pense que les autres musiciens vont peut-être continuer, mais ils n'auront pas le droit d'utiliser le nom La Maschera di Cera. Petite parenthèse. Et on avait débuté, encore en Italie, Astrolabio, l'isolamento des numeri. Une petite nouveauté. On continue, nous, encore en musique. On va faire un petit tour du côté de la Suède, cette fois, avec un souvenir de, mon Dieu, plusieurs années, Carp Tree, de leur second disque. Le temps de vous rappeler que c'était Incognita avec Bruno et Michel. On est avec vous jusqu'à minuit. Et c'est KRL 89.1. Your smile bear witness, oh, that once or twice good came your way. Although it's very distant now, but dripping drops they made the empty cup flow over and ate away your armor. It cast itself aside, it casts itself aside, and I hear the things it does to you. sleeping walkers are waiting for their sons and daughters to come home from school. Pleasant is it learned, the bridge it is burned, but who can really tell? When sent from afar is the great unknown and washed ashore on our land. I won't turn my back, I'm not afraid when I heard you say that it wasn't to us. Oh, I will stand the ground that we have found, showing the heart of a simple man. Days will end with a surgical bend. Treading over fields unknown. Jupiter and Mars, satellites and stars. Hidden all along, hidden in a song, a distant melody. A simple man. Thank you.

Aussi, à ne pas manquer au Musée de la civilisation, Gérontophilie, Joséphine. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Stéphanie n'a pas gagné de médaille, ni de prix honorifique. Elle ne fera pas de discours et ne signera pas d'autographe. Stéphanie vient de sortir de la résidence Le Portail, une maison de thérapie pour les femmes qui ont des problèmes reliés à la consommation d'alcool, de drogue ou de médicaments. Ce que vous entendez, c'est sa fierté enfin retrouvée. Lisez son témoignage sur residenceleportail.org. Cultive tes goûts. Et déjà une heure de passé. On va jeter un petit coup d'œil. Il y avait donc, tout juste avant les pauses publicitaires, Fried Pig, ça nous vient des États-Unis, de leur disque Out of the Barnyard. Et il y avait des Américains tout juste avant aussi. C'était Eccentric Orbit, ça. Ceux qui nous suivent depuis quelques années ont sûrement reconnu Attack of the Martians. Un heureux mélange. On retrouve un peu d'anecdotes, un peu pas mal de Emerson par bout aussi. Et je trouvais que le mariage avec Fried Pig était comme naturel. Et puis, on avait aussi Black Bonzo, un groupe suédois qu'on n'entend plus parler. Je ne sais pas si... Je pense qu'effectivement, le groupe n'existe plus. Les gars sont partis dans d'autres projets. C'était Sound of the Apocalypse, la pièce Turns Upon a Crown. Toujours en Suède, Carp Tree, Super Hero. Ça aussi, ça a joué pas mal là, il y a plusieurs années. Et on avait amorcé avec ça, d'ailleurs. Là, pour notre prochain bloc, on va donner le coup d'envoi avec quelque chose de vraiment plus vieux. Ça. On remonte dans les années 70. Le groupe a pour nom Esperanto, un extrait du disque Danse Macabre. Je pense que si je n'ai pas écouté ce disque-là mille fois, je ne l'ai jamais écouté. Produit par Pete Sinsfield, le parolier de King Crimson, et qui a d'ailleurs signé lui-même un disque, son unique disque solo, là, d'ailleurs, qui est excellent. Et, ouais, en tout cas, ça demeure une rareté là, dans le paysage musical des années 70. Il y a beaucoup de cordes, vous allez voir, c'est vraiment spécial et j'adore. Donc, on retourne très loin en arrière avec Esperanto, Danse Macabre. Thank you. Thank you. like you have any choice but to go, as if you didn't know your future. It will never last. The future moving way too fast. Retour en arrière, ça nous vient des États-Unis, 1995, que le temps passe, ça va faire 20 ans là, bientôt, Rocket Scientist, Brutal Architecture, c'était... je pense que le groupe a cessé ses activités. On n'entend plus parler du tout. 95-20 ans, ouais, je pense que c'est pas mal dans les derniers disques qu'ils ont fait, celui-là. On remonte encore plus loin dans le temps avec Happy The Man, probablement que les vieux progus ont reconnu. Un extrait de Crafty Hands, un groupe qui s'est inspiré d'une pièce de Genesis pour son nom, donc avec Happy The Man. Et on avait donné le coup d'envoi avec quelque chose de encore plus loin dans le temps, Esperanto. Ça remonte aux années 70. Trois disques, sauf erreur. Et puis celui-là, c'est le deuxième, qui a pour titre Danse macabre, réalisé par Pete Sinsfield. Et c'est pas britannique dans le sens qu'on pouvait y retrouver aussi des musiciens belges, français, d'où le nom Esperanto. Et, c'est un rock progressif mélangé un peu avec du classique puis de la musique un peu d'avant-garde. En tout cas, leur sommet pour moi, c'est Danse macabre, et c'est celui qu'on vient d'entendre. Et puis, ben écoute, on a déjà fait le tour, et il nous reste une demi-heure encore, quand même, là. Et puis on a encore de la bonne musique là, à vous faire entendre. On va aller faire un petit tour du côté de l'Italie, là, cette fois-ci. Prog un peu psychédélique, le groupe a pour nom Fungus, et la pièce, c'est de le disque, c'est The Face of Evil. C'est sûr, on est peut-être, bon, on ratisse toujours un peu large. Là, cette fois-ci, c'est plus du côté psychédélique, là, avec une chanteur qui me fait penser peut-être un peu à Jim Morrison. Je vous laisse juger. Mais en attendant d'écouter Fungus, on va vous laisser avec quelques messages d'intérêt public. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Vous faites des rénovations ou vous déménagez? Pensez à Gestigroup, un service de nettoyage résidentiel et commercial. Gestigroup vous offre des services d'entretien réguliers et de nettoyage spécialisés. Pour le nettoyage des fenêtres, les conduits de ventilation, le nettoyage après construction, le décapage et cirage de vos planchers ou l'entretien ménager régulier, Gestigroup vous assure un travail de qualité optimale avec une assurance qualité garantie 100%. Évaluation gratuite, Visa et Mastercard sont acceptés. 418-255-0256. Consultez le site web pour les promotions en cours. www.gestigroup.com. Bonjour, vous me reconnaissez? C'est Michel Marcoux. Cette fois-ci, je ne veux pas vous vendre de bière, mais des t-shirts. C'est la grande liquidation des t-shirts officiels de CKRL. Vous en aurez un pour 10$, deux pour 15$, trois pour 20$, jusqu'à épuisement complet. Les t-shirts sont en vente à la station même, au 405 3e Avenue, à Limoilou. J'ai chaud, j'ai froid. Cet été, au Musée de la Civilisation, découvrez l'exposition Image par Image. Plongez dans les univers de création captivants, déjantés et innovateurs des cinéastes d'animation de l'ONF qui ont repoussé les limites de leur art. Aussi, prenez part à la célébration et stimulez votre créativité dans le laboratoire d'animation. L'exposition Image par Image sur le cinéma d'animation de l'ONF au Musée de la Civilisation. Info au mcq.org. Nicolas Dumont vous invite tous les lundis dès 18h30 à explorer un monde de mariage illégitime aux saveurs country, folk, blues et garage. Bienvenue chez les bâtards. Seulement au 89.1. stars and stripes to be the sun or change in the faces of evil. Men inspired by the gust of stranger places. I won't die and lie inside the softer universal season. Oh my God. open. I move outside. There's something new we have to find. The world is broken. The human eye. There's nowhere left for us to hide. All that's left behind. Eternal shining light from the sun. Don't look away and use the last resort. Upon my soul, it's time. C'est légèrement flodien et ça nous vient d'Allemagne, Chamal. Un groupe qui a une bonne discographie. Là, je suis en train de fouiller, je vais vous revenir avec autre chose. C'est le plus récent, donc Turn Off. C'est un album double et quand je dis album double, c'est double pour vrai parce que je pense qu'ils sont remplis là, à 79 minutes point quelques, les deux. Donc, c'est pas un groupe qui a l'air d'avoir des problèmes d'inspiration. C'est donc Chamal, Turn Off, ça nous vient d'Allemagne. Il y avait aussi avant Fido, The Great Leap. Je pense que ceux qui ont assisté au concert de Fido il y a 2 ans dans le cadre de la Convention Terra Incognita vont être d'accord pour dire que c'est tout simplement génial en concert. Sur disque, c'est très bon, mais en concert, c'est incroyable et je pense que j'aimerais bien qu'ils reviennent nous visiter. Je ne sais pas si ça peut se faire parce que c'est quand même beaucoup de logistique, mais moi, personnellement, je serais preneur encore d'un bon show de Fido. Il y avait aussi Doves, The Last Broadcast, et on avait amorcé avec Fungus, The Face of Evil. C'est déjà le temps de vous dire bonsoir. Restez des nôtres, il y a l'autoroute dans quelques instants. Et puis, ben, revenez-nous la semaine prochaine. C'était Michel et Bruno, Terra Incognita. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Je te dirais que ça a été dans les premiers bands à jouer très pesant. Un peu comme les Power Trio à la Blue Cheer. Là, tout ce qu'on a pu entendre, ça bouchait en motésie. Restez avec nous. Dans un instant, l'autoroute. Les arrangements de cordes qu'on entend là-dessus, d'abord, il y a une citation de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak dans le refrain. Come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi. CD Mélomanes, c'est la plus grande surface de disques neufs et usagés à Québec. C'est aussi la référence en termes de musique. Pour ceux qui cherchent la musique en tout genre ou des pièces de collection, c'est la place. Vous trouvez plein de vinyles, CD, cassettes, tables tournantes, amplis, lecteurs cassettes. On fait aussi le resurfaçage de CD, sans oublier notre service de transfert de vinyles sur CD ou de vidéos sur DVD. Faites revivre vos tables tournantes avec nos accessoires disponibles en magasin. CD Mélomanes, le disquaire où l'on fait de belles trouvailles. Au 248 rue Saint-Jean à Québec, 88-525-1020. 89. Okay, ready. Let's do it.